Bienvenue à Futur Simple, c'est François Grégoire qui vous parle. Le ciel est un espace où l'on jette très souvent des regards, que l'on soit dehors ou à l'intérieur. C'est un élément du décor auquel nous sommes très habitués. Quand le soleil brille, le ciel est bleu, mais le bleu peut sembler assez nuancé d'une région à l'autre du ciel et avoir différents degrés de saturation. C'est pareil au lever et au coucher du soleil, où le ciel peut se parer de couleurs pastel à très vives. Alors, qu'est-ce qui explique ces phénomènes qui font partie de notre quotidien? Pour nous en parler, je reçois Jean-René Roy, astrophysicien et professeur associé au département de physique à l'Université Laval. Bonjour Jean-René. Bonne fin d'après-midi, François. Alors Jean-René, pourquoi le ciel est-il bleu le jour et pourquoi n'est-il pas d'une autre couleur? Ou encore, je pourrais peut-être poser mes questions autrement. Pourquoi le ciel est-il éclairé le jour et pourquoi il est bleu? En fait, le ciel est éclairé. Nous sommes éclairés parce que le soleil est là, une source de lumière très importante. On peut être éclairé par d'autres choses comme la lune et même par les étoiles, comme la Voie lactée. Donc, pourquoi le ciel est bleu? Parce que, en fait, c'est la couleur de l'atmosphère plutôt que la couleur du ciel dont il faut parler. Parce que si vous étiez sur la Lune, le ciel serait plutôt noir et vous verriez les étoiles en même temps que le Soleil. Donc, et ceci nous amène à expliquer pourquoi le ciel est bleu. Le ciel est bleu par le type d'interaction qu'il y a entre la lumière et les différentes particules qui composent l'atmosphère. C'est ça, mais il faut qu'il y ait une atmosphère. Absolument. Donc, ici, ce qui se passe, c'est que l'atmosphère est composée d'oxygène et d'azote principalement, et qui sont des petits objets, des molécules, en fait, toutes petites. Et quand la lumière interagit avec elles, ces molécules sont très petites, de sorte que l'interaction de la lumière avec ces petites molécules va dépendre de la longueur d'onde de la lumière. Okay. Et de sorte que les longueurs d'onde plus courtes, comme le bleu, vont entrer en collision, entre guillemets, plusieurs fois dans son parcours entre l'eau de l'atmosphère et nous. Donc, les photons de lumière bleue vont partir un peu dans toutes les directions, tandis que la longueur d'onde du rouge, qui est plus longue, vont faire en sorte que ces photons-là vont venir beaucoup plus directement à nous. Donc, va passer beaucoup plus droit. Donc en fait, c'est un phénomène qu'on appelle de diffusion, exactement, et la diffusion est étroitement reliée à la longueur d'onde de la lumière. Le bleu est énormément diffusé, alors que le rouge nous parvient directement. Et même quand le soleil descend vers l'horizon, ou est proche de l'horizon, soit au lever ou au coucher du soleil, en fait, le bleu ne nous parvient presque plus. On peut voir le bleu au-dessus de nous, mais en regardant le long de l'horizon, on verra plutôt les couleurs de plus grande longueur d'onde. Et si l'atmosphère était constituée d'autre chose que de l'azote ou de l'oxygène, ou encore, on pourrait dire, supposons que les proportions étaient différentes. Par exemple, si ça changerait rien. Ça changerait rien. Absolument rien. En fait, ça pourrait être un peu différent, comme sur Mars, où il y a une dominance de CO2 et d'azote. Le ciel est plutôt brunâtre, rougeâtre. Et au coucher, en fait, il prend une couleur bleutée. Donc, c'est particulier sur Mars. Et si on était sur Titan, où l'atmosphère est nettement dominée par le méthane, là, on aurait plutôt une espèce de... Ça nous a l'air d'un brouillard sombre qui diffuse beaucoup. Mais il y a d'autres particules dans l'atmosphère qui vont contribuer énormément à sa couleur. Parce qu'il n'y a pas les molécules. La vapeur d'eau et surtout les poussières. Et c'est ça à quoi je veux en venir ici. Ce qui m'a stimulé à parler de ce sujet ce soir, ce sont les couleurs des ciels qu'on a vus ces dernières semaines au soleil couchant ou après le lever du soleil, ou avant le lever du soleil, qui ont été spectaculaires. Les rouges, les orangés, les jaunes, absolument magnifiques. Et aussi, certaines personnes l'ont remarqué, environ à 20 minutes, à une demi-heure après le coucher du soleil, une espèce de violacé bourgogne en haut de ces couches rouges et tout. Ah, et c'est visible ici même à Québec? Partout autour de la Terre, dans le cas de l'hémisphère nord. Et ça, on l'a attribué à un volcan qui a fait éruption dans les îles Kouril, dans le Pacifique, les îles Kouril, qui est une chaîne d'îles au sud de la péninsule Kamtchatka, en Russie, qui a fait éruption en juin et qui a éjecté de grandes quantités de poussière, entre autres de soufre, dans la haute atmosphère. Et cette poussière s'est répandue et a introduit un nouvel effet de coloration en interaction de la lumière du soleil avec ces particules de soufre qui font que non seulement quand on regarde à des angles bas, on a des couleurs absolument spectaculaires de rouge, d'oranger et de jaune. Je dirais plus spectaculaire qu'à l'habituel, mais aussi cette couleur violacée qui est particulière et qui est associée aux grandes éruptions volcaniques qui arrivent de temps en temps. Le dernier événement de cette nature date de l'éruption du Pinatubo aux Philippines dans les années 90. Mais moi, je me souviens d'un événement aussi. C'était l'éruption du mont Sainte-Hélène dans l'État du Washington en 1980. Et il y avait eu énormément, je pense, de poussière qui avait été envoyée dans l'atmosphère. Et les couchers de soleil pendant des années ont été extraordinaires. Ouais, mais je pense que vous vous trompez avec Pinatubo. Ah, okay. Parce que le mont Sainte-Hélène n'a pas eu l'effet de Pinatubo. Le mont Sainte-Hélène, rappelez-vous, a explosé de côté. C'est oui, parti c'est vrai. De côté. C'est vrai. Tandis que le Pinatubo et le Karakoe, qui a explosé récemment, c'est le chapeau qui saute et ça monte dans la stratosphère. Ça va plus haut à ce moment-là? Ça va beaucoup plus haut. Et ça se répand aussi. Ça se répand beaucoup plus facilement, tandis que quand l'explosion a lieu latéralement, ce qui est quand même assez rare, comme dans le cas de Mont-Sainte-Hélène, la poussière est finalement dans ce qu'on appelle la troposphère, où il y a une convection très forte, il y a des pluies et tout, ça se mélange rapidement et c'est beaucoup moins considérable. Il y a eu récemment un volcan en Islande qui a fait éruption et qui a injecté beaucoup de poussière dans la haute atmosphère, dans la stratosphère, au point d'avoir à interrompre les vols aériens dans la région l'Europe. Donc, c'est ce genre de d'explosion du chapeau du volcan qui permet la montée de ces poussières à très haute altitude. Donc, il peut y avoir certains inconvénients, mais qui nous donne de très beaux ciels au coucher et au lever du soleil. Est-ce que c'est possible qu'en 80, lors de l'éruption du Mont Sainte-Hélène, est-ce que même il y a eu un petit effet de refroidissement? Encore une fois, c'est Pinatubo. C'est Pinatubo, OK. Ouais. Donc, il faut se déconnecter du Mont-Sainte-Hélène, qui a fait parler beaucoup de lui parce qu'il était aux États-Unis. Le Pinatubo a eu des conséquences considérables que même sur une période de 2 à 3 ans qui aurait amené un refroidissement moyen de l'atmosphère terrestre d'une fraction de degré qui était mesurable. Et aussi, les astronomes, nous, on pouvait mesurer que la transparence de l'atmosphère dans la nuit était diminuée. Donc, il y avait cette poussière qui, en quelque sorte, agissait un peu comme un masque. Mm-hmm. Et pour revenir un peu sur le côté bleu de la lumière du ciel, quel changement physique pourrait induire un changement dans la couleur du ciel? Est-ce que ce serait possible que le ciel devienne, à un moment donné, jaune? Il faudrait introduire, beaucoup de poussière. Par exemple, lorsqu'il y a des grands feux de forêt, le ciel devient jaune, rouge, gris. Il faut introduire de grosses particules qui bloquent le bleu, entre guillemets, mais où on laisse passer... Parce que finalement, le bleu est bloqué, il est tellement diffusé qu'il finalement il rebondit par en arrière, donc on ne l'envoie pas. Donc, la façon de bloquer une bonne partie de la lumière du soleil, c'est de mettre de la cochonnerie dans l'atmosphère. Et de bloquer finalement la bonne couleur là. Mais ça serait pas comment je pourrais dire permanent, là. Ce serait le temps qu'il y a des poussières. Ce serait le temps que ces poussières comme lorsque dans les dernières années de temps à autre de grands feux qui causent des couchers de soleil et en fait au point que le soleil devient qu'on parle le soleil est rouge. Oui. Et en fait, soleil devient brillant, on le voit très bien. On le voit à travers ce masse de poussière, au point que quand il y a des grosses taches solaires sur le soleil, on peut les voir à l'œil nu, parce que la lumière du soleil est suffisamment atténuée, mais le contraste d'une tache solaire, d'une grande tache solaire, et la lumière du soleil la rend visible à l'œil nu. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on peut retracer le cycle d'activité du soleil par les observations des Chinois, qui notaient ces taches sur le soleil lors de grands feux, en fait, qui produisaient l'effet que vous désirez de changer la couleur du ciel. Effectivement. Mais je fais remarquer que aussi la nuit, le ciel oui, est bleu. C'est ça, c'est ça que l'atmosphère est bleue. Qu'est-ce qui se passe la nuit? La nuit, c'est la même chose. Ce sera la lune et la lumière de la moyenne des étoiles que notre œil perçoit. Uh-huh. Elle est plutôt de couleur bleutée. Non, couleur blanche comme le soleil. La lumière du soleil est blanc. Les nuages sont blancs parce qu'ils reflètent parfaitement la lumière du soleil. La neige est blanche parce que ce sont de grosses particules, ce sont des gouttes d'eau énormément plus grosses que les molécules diatomiques d'oxygène et d'azote. À ce moment-là, elles diffusent toutes les lumières également? Elles diffusent toutes les lumières également. Donc, ça paraît blanc. Ou, quand il y a moins de lumière, c'est gris. Le gris, c'est la même chose, c'est juste du blanc qui a moins de lumière. Et qu'il y a des phases lunaires, ça ne change absolument rien, je m'imagine? Non, ça ne change absolument rien. D'ailleurs, nous, on est habitués en astronomie. Parfois, les gens prennent des photographies et s'il y a la Lune, tout de suite, on voit un très, très beau ciel bleu, ce qui reste un peu étonnant pour les gens qui ne sont pas habitués. OK. Et pour les cieux qui sont très rouges, effectivement, vous l'avez dit, c'est parce qu'ils sont chargés de poussière. Surtout de poussière qui sont associées soit aux saisons, au printemps par exemple, il y a beaucoup de poussière dans l'environnement, les activités, même les voitures sur les routes soulèvent beaucoup de cette poussière qui est réminiscent de l'hiver. Donc c'est l'injection de poussière dans l'atmosphère qui va faire que le ciel, le jour, va nous paraître autrement que bleu, mais il y aura toujours une certaine quantité de poussière dans l'atmosphère qui fera que le soleil, généralement, au coucher ou en fait, ce qu'on appelle proche de l'horizon, sa couleur ne sera plus blanche. Elle va être plutôt rougeâtre et c'est à ce moment-là, si vous regardez des nuages, 15 minutes après le coucher du soleil, les nuages vont être éclairés par de la lumière qui a passé à travers la poussière de l'atmosphère. Les nuages vont être rosés, colorés. C'est vrai, et qui inspirent beaucoup de peintres. Effectivement. Et quels sont en fait les autres phénomènes que l'on peut observer aussi, par exemple quand on parle des piliers solaires, des halos, des sun dogs? Donc on en a déjà parlé ici, mais je veux juste rappeler parce que l'automne s'en vient, l'hiver s'en vient, et ce qui va modifier un petit peu certaines structures de la lumière dans le soleil, c'est la présence de cristaux de glace. Et des cristaux de glace, c'est comme des petits miroirs, des petites plaquettes, ou des petits hexagones qui vont, en quelque sorte, rediriger la lumière. Donc, le phénomène le plus spectaculaire, c'est au coucher de soleil ou au lever du soleil, parfois, à l'automne avancé ou à l'hiver, vous allez voir ce qu'on appelle le pilier de soleil, une espèce de colonne de lumière qui semble s'ériger au-dessus du soleil. Et c'est simplement dans l'atmosphère assez basse qu'il y a en suspension des petites palettes de glace, des petits cristaux de glace, qui sont comme des petits miroirs qui nous renvoient la lumière du soleil. La même chose, vous pouvez la voir, un peu un phénomène équivalent. C'est pas tout à fait la même chose. Par exemple, vous êtes face à un lac, une étendue d'eau, et de l'autre côté, il y a une lumière. Comment vous allez voir la lumière? Mais vous allez voir une espèce de colonne de lumière venir vers vous, qui est une réflexion de sa lumière par les molécules d'eau. Donc, le pilier solaire que vous voyez en hiver est, en fait, une action semblable par des petites cristaux d'eau. Mais, comme je le disais, il y a des cristaux de glace qui peuvent prendre toutes sortes de formes. On le voit par la structure des flocons de neige. Ils peuvent prendre des formes hexagonales. Et là, peuvent produire des phénomènes assez spectaculaires qu'on appelle les sun dogs. Donc, des points lumineux qui paraissent comme des petits arcs-en-ciel de part et d'autre du soleil. Donc, les cristaux sont hexagonaux. Et ça, c'est un phénomène beaucoup plus complexe. Et même, on peut avoir un halo. Okay. Et on peut avoir des croix, on peut avoir toutes sortes de phénomènes qui sont reliés. Mais je voudrais revenir à un autre phénomène parce qu'il a été assez photographié durant l'été. C'est ce qu'on appelle les nuages noctilucents. Oui, qu'est-ce que c'est? Bon, les nuages noctilucents, ce sont, on parlait de poussière tantôt dans l'atmosphère, on parlait de poussière d'origine terrestres, volcans ou activités humaines, aux feux de forêt, les nuages noctilucents se produisent à une altitude de l'ordre de 80 à 90 km, alors que nos nuages sont à quelques kilomètres d'altitude. Donc, c'est très haut, là. Ce sont des nuages qui sont à très haute altitude, trois fois l'altitude à laquelle vous volez en avion. Et ils sont dus à des poussières. Mais quelles poussières? Les poussières dues aux météorites qui rentrent dans l'atmosphère, qui se quelque sorte volatilisées, quasi pulvérisées, et qui restent en suspension dans l'atmosphère. Et ils deviennent, en fait, non seulement ils reflètent, mais ils deviennent en quelque sorte phosphorescents. Donc, légèrement phosphorescents. Et on va les observer parce qu'il faudra qu'il y ait des conditions un peu particulières. Idéalement, dans l'hémisphère nord, c'est autour juin, juillet, quand le soleil descend très peu en bas de l'horizon. Comme cet été, il y a eu des photos absolument spectaculaires prises de Paris, la Tour Eiffel, à minuit, avec le ciel quasi lumineux, avec ces très beaux nuages noctilucents. J'en ai vu quelques fois, mais vu que j'ai travaillé surtout dans des régions plutôt équatoriales, les conditions d'éclairage par le soleil ne sont pas aussi favorables. Donc, c'est un phénomène qui paraît étrange, mais qui est très beau, qui est maintenant photographié parce qu'il y a toute une cohorte d'astrophotographes de la nature qui photographient le ciel parce qu'ils ont des meilleurs traitements, des meilleurs outils. Et aussi, on peut obtenir ces photographies des fameux nuages noctilucents visibles par un angle d'éclairage dû au fait que le soleil soit plutôt... pas trop bas sous l'horizon, il faut qu'il soit couché. Il faut qu'il y ait un angle parce que sinon, le ciel est trop brillant. OK, je comprends. Comme tel. Donc, il faut avoir un peu des conditions d'ajustement lumineux pour qu'on puisse les observer. Et ils ont été photographiés, entre autres cet été, d'une manière magnifique. Donc, si vous êtes curieux, allez, faites simplement une recherche avec votre furteur. Faites nuages noctilucents. N-O-C-T-I-L-U-C-E-N-T. Il y a quelques autres façons d'appeler ces nuages. Et j'imagine que, c'est ça, comme vous dites, c'est certainement pas d'une grande intensité qu'il envoie de la lumière. Non. En fait... nous, comme astronomes, on voit ce genre de truc-là un peu comme une source de pollution naturelle, entre guillemets. Ouais. Du ciel, effectivement. Ouais. Et Jean-René, si on parlait un peu d'atmosphère terrestre, il y a 20 fois plus d'eau en poids que d'air sur la Terre. On n'a pas d'air. On n'a pas beaucoup d'eau, mais on a encore moins d'air. Est-ce que ça signifie quelque chose? Oui, ça signifie le fait que la gravité de la Terre est faible, relativement. Je vais donner des exemples. Okay. Et la température est relativement élevée. C'est plus compliqué que ça. Donc, là, ça laisse échapper peut-être? En fait, c'est ça. C'est qu'on perd... Il y a un certain équilibre. On ne perdra pas l'atmosphère du jour au lendemain. Là. On va la salir, là, comme on est en train de faire, mais on ne la perdra pas. Mais l'atmosphère terrestre, il faut se rappeler, c'est une atmosphère qui est très ténue. On n'habite que le premier 3 kilomètres, et même la plupart des gens habitent en bas d'un kilomètre d'altitude. Et vous voyez, si vous avez l'occasion d'aller en altitude, vous allez comprendre pourquoi que vivre à 4000 ou 5000 mètres, 5000 mètres, c'est pratiquement impossible, sauf si vous êtes dans des villages de très haute altitude au Pérou ou en Bolivie, et vous êtes forcé d'y travailler et d'y vivre avec des conséquences absolument terribles pour la santé des gens. Donc, l'atmosphère est quelque chose de... sa masse totale, là, elle est relativement faible. Par rapport à l'eau? Par rapport à l'eau. Il y a 20 fois... L'eau, d'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup sur Terre, je le rappelle tout le temps. Et l'atmosphère, c'est quelque chose de très ténu. Et c'est une chose que les astronautes font souvent remarquer quand ils prennent des photos. Et ils sont juste un peu au-dessus, à 100 quelque chose kilomètres. Il n'y en a plus d'air. C'est vrai. Il n'y en a plus d'air. Ça arrête à quoi? 10 km l'atmosphère? Là, ça s'atténue exponentiellement. Parce qu'on vole à 10 km à peu près d'altitude quand on est en avion. Ouais, il y a encore de l'air. À peu près. Mais déjà là, c'est trois fois moins qu'en point de vue densité qu'au sol. C'est ça. Donc, ça diminue exponentiellement. Et pour revenir à des comparaisons astronomiques, L'atmosphère de Mars est une pression atmosphérique probablement le dixième de celle de la Terre. Là, je ne suis pas tout à fait sûr de mon chiffre. Celle de Vénus, elle, c'est quelque chose, c'est différent. Ce serait le sujet d'un entretien considérable. L'atmosphère de Vénus, elle est très massive et sa température très élevée qui fait en sorte 100 fois plus que la Terre, je pense. Oui, à peu près, c'est ça. La pression atmosphérique est à peu près 100 fois celle de la Terre. Donc, et ça, c'est les conditions, c'est un effet de serre, un runaway greenhouse qu'il y a eu il y a longtemps sur Vénus. La lune de Saturne, la plus grosse lune, Titan, qui est la seule lune d'un satellite, d'une planète à avoir une atmosphère dans le système solaire, et c'est l'atmosphère de méthane dont je vous ai parlé tantôt, elle a cette lune qui est à peu près un peu plus grosse que notre lune, elle a une atmosphère dont la masse totale est équivalente à celle de notre atmosphère. Pour un petit objet comme ça, c'est assez considérable. Et on sait qu'il y a une espèce de cryovolcanisme qui éjecte beaucoup de méthane dans l'atmosphère de ce satellite naturel de Saturne. Et c'est un autre sujet assez intéressant. Et par curiosité, la taille de Titan, est-ce qu'elle est équivalente à celle de... Non, un peu plus grosse que la Lune. Un peu plus grosse que la Lune, d'accord. C'est ça. Et écoutez, en fait, sur les planètes où il y a... En fait, des atmosphères, donc, il est susceptible d'avoir une coloration du ciel aussi. Oui, exactement. Comme on a dit tantôt, ça va dépendre sur Vénus, c'est quoi? C'est sur Vénus, il y a... sulfurique? Oui, il fait noir sur Vénus. Vénus. Parce que Vénus est en permanence couvert de nuages très épais, de nuages d'acide sulfurique. Donc, la composition chimique fait en sorte... que c'est opaque. Probablement, si vous étiez sur Vénus, à la surface, vous auriez une lumière à peu près comme celle qu'on a ici une heure ou une heure et demie après le coucher du soleil. On est pratiquement à ce qu'on appelle ici le crépuscule astronomique. Okay. Donc, sur Vénus, ce serait très, très sombre. Donc, qui fait que, d'ailleurs, ces épais nuages empêchent de voir la surface de Vénus. On cartographie la surface de Vénus, soit en envoyant des sondes sur la surface, et seuls les Russes ont réussi jusqu'ici, ou en envoyant des systèmes avec radar qui cartographient, d'ailleurs, qu'on cartographie complètement la surface de Vénus, qu'on comprend assez bien maintenant. Mm-hmm. Et comme vous le disiez, on va terminer bientôt avec ça, Mars aussi a une atmosphère, le ciel est rouge sur Mars? Le ciel est rouge. Ciel est rouge, surtout à cause de présence de beaucoup de sable. Ouais, parce que toujours des tempêtes de sable sur Mars. Okay. Donc, c'est des effets spéciaux. Mais je voudrais terminer par une question que les astronomes sont posées. C'est que si vous sortez de la Terre et vous n'êtes pas sur une autre planète, vous êtes quelque part dans l'espace, c'est quoi la couleur du ciel? Donc, la couleur quand on est dans l'espace? Le ciel est noir. Oui, le ciel est noir, première approximation. Mais si vous dites, c'est quoi la couleur du ciel? Et qu'est-ce que notre œil percevrait? En fait, la couleur du ciel... en dehors de l'atmosphère. On a parlé jusqu'ici de la couleur de l'atmosphère. Ce serait la couleur de l'ensemble de la lumière de toutes les étoiles qui existent et qui ont existé et qui sont mortes. C'est vrai. Donc, ce serait une espèce de mélange de photons émis par l'ensemble des étoiles qu'il y a là et de celles qui ont vécu, qui se sont éteintes. Et des gens ont fait des calculs en modélisant ça de façon assez précise et on dit que la couleur du ciel, si on y était très sensible, en fait c'est un mélange de plusieurs, serait lattée. Donc, et d'ailleurs, j'ai un collègue, Carl Gracebrook, australien, qui a fait ces calculs-là. Et d'ailleurs, dans sa première étude, c'était légèrement trompé et il a fallu recalculer et corriger. Donc, c'est une espèce de couleur lattée parce que la couleur dominante, c'est celle de la lumière d'étoiles éteintes qui ont été rouges, infrarouges. Mais si nos yeux étaient sensibles à toutes sortes de longueurs d'onde, là, c'est compliqué. C'est vrai, effectivement. Écoutez, Jean-René, merci beaucoup pour ces explications. C'était toujours un plaisir de vous recevoir à Futur Simple. C'était vraiment fascinant. Alors, je rappelle que vous êtes astrophysicien et professeur associé au département de physique à l'Université Laval. Alors, on va faire une pause publicitaire, après quoi on vous revient avec David Rochelot-Houle de la Commission sur l'éthique en sciences et en technologie du Québec, qui va nous parler d'éthique et de voitures électriques.